Le 28 mars 1997, les Grosses Têtes fêtaient leurs 20 ans. Et nous retrouvons Philippe Bouvard, entouré à l'occasion d'Amanda Lear, Olivier de Kersauzon, Pierre Bellemare, Vincent Perrault et un invité exceptionnel, Pierre Tcharniak. Un invité d'honneur dans cette session exceptionnelle qui, vous le savez, est organisée pour célébrer le 20e anniversaire de la création des Grosses Têtes. La présence de quelqu'un qui n'était pas à la première émission, mais à l'essai qui a précédé, puisqu'il y a eu un pilote et qu'il était ce jour-là des nôtres. Et puis, trop pris par d'autres tâches, il n'est pas venu pendant 20 ans, mais il est là aujourd'hui, Pierre Tcharniak. Et à côté de Pierre Tcharniak, un autre père fondateur de l'audiovisuel, Pierre Bellemare. Une jeune fille étrangère que nous avons prise au pair, Amanda Lear. Au pair de quoi ? C'est vrai que jeune fille au pair, ça peut s'écrire de plusieurs façons. Voilà, et puis un petit garçon qui a la réputation de plus en plus usurpé d'être bien élevé, Vincent Perrault. Mais de toute façon, il aura l'air gentil et respectueux, puisque au bout de la table, il y a aujourd'hui notre maître en... grossièreté. Un maître à penser, pas toujours un maître à parler, parce que ses paroles dépassent quelquefois notre pensée. L'amiral Olivier de Kersauzon. Bravo, j'adore. Bravo. Belle tablée, amiral. Mais surtout quand vous êtes là, mon cher Philippe. Non, moi, vous savez, je sers la soupe, je ne la mange pas. Ben, c'est bien pour ça qu'on vous aime. Question de Mademoiselle Lebon de Paris. À la question « Aimez-vous Shakespeare ?» qui a dit « Je n'ai pas à répondre à semblable question, mais je vous autorise à dire que nous sommes bons amis. » Le roi. Laurence Olivier. Non. Dorothée. Chercher un truc pas crédible. Comédien. C'est quelqu'un qui est un de nos maîtres à rire. Chaud. Guitry. Twain. Français. Pas français, mais vivant. Allen. Woody Allen. Allen. Non, c'est Woody, Woody Allen. C'est Woody. Bonne réponse de l'amiral et d'Amanda. Allen. Allen. C'est Woody Allen. La deuxième citation est proposée par Mademoiselle Fritz de Cornimont qui a dit « Je ne boirai du lait que le jour où les vaches mangeront du raisin ». Olivier de Kersauzon. Non. C'est une des Grosses Têtes ? Non. C'était une Grosse Tête, mais sans notre secours. Un ivrogne. Et il a disparu aujourd'hui. Un ivrogne notoire. Il y a longtemps. Antoine Blondin. Non. C'est un homme qui levait bien le coude, mais... Il y a longtemps. Jean Carmet. Non. Il y a longtemps. Oh, il a dû disparaître il y a 12-15 ans, oui. Monsieur Tcharniak l'a bien connu. Cinéaste, blanche. Espagnol. Non. Et monsieur Bellemare a dû l'approcher aussi. Oui, sûrement. Il faisait partie du tout cinéma. Audiard ? Non. Orson Welles ? Non. Comédien ? Comédien. Ah, bon, comédien. Ah, oui. C'est plus facile, déjà. Oui. C'est vrai que ça fait penser un peu à Audiard. Mais c'est pas de l'Audiard. C'est du Gabin. C'est du Gabin. Ouais, ouais. Bonne réponse de Pierre Tcharniak. C'est du Gabin. On ne sait pas d'ailleurs si Gabin parlait comme Audiard. Il vient de dire bonne réponse de Pierre Tcharniak. Pardon, de Pierre Bellemare. Ça m'énerve, tu vois. Mais on a entendu ça sans arrêt. Sans arrêt. C'est vrai que Pierre j'attendais de Pierre Tcharniak, qui a bien connu Jean Gabin. Oui, bien sûr. Qui donne la bonne réponse. Alors, je vous pose la question à vous, elle est subsidiaire. Est-ce que Jean Gabin faisait naturellement de l'Audiard ou c'est Audiard qui s'était inspiré de Jean Gabin ? Parce qu'il en arrivait à la scène et à la ville à parler de la même façon. Audiard n'avait pas besoin de Gabin, certes, pour écrire ce qu'il a écrit, mais il y avait tout un fond de façon de parler un peu littéraire des bistrots de l'époque 1930 que Gabin lui a apporté. N'oublions pas que Gabin, il l'appelait le petit cycliste, il appelait Marlène Dietrich la Prussienne, il avait comme ça toute une série de phrases à lui... C'était un personnage exceptionnel, hein, Gabin. Et pas facile, hein. Pas facile, mais parce qu'il était extrêmement timide finalement, alors il laissait pas les gens s'approcher de lui, mais quand on avait gagné un peu sa confiance, c'était des moments tout à fait étonnants. Mais moi je me souviens très bien de rencontrer Audiard qui m'a dit « Oh écoute, ce que m'a rapporté un gars, il m'a dit des gonzesses comme ça, je donne un coup de pied dans un bec de gaz, il en tombe une douzaine. » Et ben il l'a mis dans un film. On l'a retrouvé dans Mélodie en sous-sol. Mais il n'avait besoin d'aucune indication pour inventer lui-même un langage superbe, Michel. Moi le dab, je te le dis, abandonne cette affaire. Les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne. Alors maintenant, un homme de télévision que vous connaissez et qui fut l'espace de quelques émissions, notre compagnon de grosse tête, vous pose une question, c'est Alain Gillot-Pétré. Dites-moi, pourquoi appelle-t-on certains nuages des cumulus mama? Mama, ouais. Parce que c'est eux qui produisent d'autres nuages, donc c'est la mère des cumulus. Ils ont des seins? Oui, enfin, il faudrait expliquer. Oui, ils ont des formes arrondies, comme ça. Voilà. Arrondies. Leur base a la forme de seins, enfin, voilà. Moins si on est un peu obsédé sur le plan mammaire. Bonne réponse collégiale, mixte. Question de Monsieur Thibault d'Atismons. Avec qui Phileas Fogg avait-il parié qu'il accomplirait le tour du monde en 80 jours? Alors, avec un compagnon de classe. Les gens du Exactement. Comment s'appelait le Reform Club? Exactement. Bonne réponse de Pierre Tchernia. C'était ses compagnons, ses collègues du Reform Club. Et puis, un autre ami, Christian Morin, qui, avant de poser sa question, nous envoie un petit message d'amitié. Dans sa clarinette. Mon cher Philippe, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter un bon anniversaire pour ces 20 ans des grosses têtes, à toute l'équipe également, mais à vous surtout, parce que d'abord vous ne faites pas votre âge et vous méritez bien de ce succès. Alors ma question est la suivante. Un certain Alba publia en 1899 un ouvrage dénonçant les conditions bactériologiques déplorables présentées par un accessoire utilisé dans les églises. Lequel? Le bénitier. Et d'ailleurs, depuis, ils mettent de l'antigel dedans et des machins contre les... Non, il suggérait, lui, d'y faire passer un filet d'eau pour renouveler un peu le liquide et que ça soit bactériologiquement moins chargé. C'était une bonne réponse de l'amiral, confirmée par Amanda Lee. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Puis-je poser une question à Kersauzon? Je voudrais savoir où se pêchent les bénitiers. C'est dans les eaux tropicales. Il y en a encore dans certains endroits, mais c'est protégé. Il y en a des beaux, hein. Souvent dans les églises, le bénitier d'ailleurs est un de ces coquilles. Ouais. Oui. Enfin, il y en a un très beau à piquer à Saint-Sulpice, apparemment. En plus, il est comme le bord du coquillage, tu sais, ça a tendance à s'effriter un petit peu. Il est bordé de cuivre, mais il est dur à déceler. Question de Monsieur Goblet de Leuze. Qu'est-ce que les caméras de télévision doivent à Gilles Margaritis? Le cirque? Non. Non, c'est un procédé. Un procédé, le fait de pouvoir filmer des projecteurs en face, non. Peut-être. Un filtre, un écran spécial? Non, mais il a apporté au tout début plusieurs aménagements bricolés, c'est-à-dire... Dont un qui est essentiel à la fois pour ceux qui sont derrière la caméra et pour ceux qui sont devant. Des caméras protégées pour les fous. La lumière rouge. Exactement. Oui. La petite lampe rouge qui s'allume sur les caméras de télévision. C'était Margaritis. Bonne réponse de Pierre Belmont. Bravo Pierre. J'ai toujours eu beaucoup de mal à la retrouver, cette petite lumière rouge. Mais souviens-toi qu'il y avait une chose tout à fait curieuse à l'époque glorieuse, c'est que les numéros des caméras étaient inscrits sur le côté. Oui. Alors on disait au présentateur, regardez la 2. Mais il était la seule personne de tout le studio à ne pas la voir. Lui, il voyait la face, le pauvre diable. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien, tout ça. C'est en couleur, en plus. Ah bon? Tiens, faudra que j'appuie sur le petit bouton à droite de mon poste. Question de Monsieur Scran. Qu'est-ce qui met 11 ans pour parcourir un kilomètre? L'escargot? Non. Limace? Non. Ah, c'est la dérive des continents. Non. 11 ans pour faire un kilomètre. On dériverait vachement. Hein. Combien c'est alors la dérive des continents? Quelques centimètres par millénaire. Non, c'est quelques centimètres par an. 4000 ans, 40 mètres, ouais, c'est ça. Il s'éloigne ou il se rapproche? Il s'éloigne. Parce qu'au départ, l'ensemble de ce qu'on voit, par exemple, Amérique du Nord, Amérique du Sud par rapport à France du Nord et France du Sud, ça s'en va. La plaque tectonique fait que ça s'éloigne. Et avec la fonte des pôles, le niveau de la mer augmente de combien? On français, ça? Les pôles, ils fondent pas vraiment. C'est comme les mecs qui disent que la Terre se réchauffe. T'as qu'à voir en Amérique, il faisait moins 51 au mois de février, dans un endroit où il avait jamais fait plus de moins de 14. Bon, tout ça nous dit pas qui met 11 ans. Est-ce un animal? Ça a la particularité d'appartenir à la fois au règne animal et au règne végétal. C'est un corail. C'est un animal aquatique? C'est plutôt aquatique. Oui. Une éponge? Une éponge. Ah. Bonne réponse de l'amiral. Une éponge. Il me semble assez normal qu'une éponge en reconnaisse une autre, quand même. Oh, oh, alors ça... Oh, il a pris des risques, le Benjamin, là. Hein. Non, mais, mais chacun fait de l'esprit avec ce qu'il a. Mais lui, c'est avec une éponge, c'est tout. Tu vois sa place de ce pauvre coco, là. Une éponge, ça bouge pas beaucoup. Il a l'air de le prendre bien. C'est mauvais signe. Bon, heureusement, quelqu'un va vous sauver. Une actrice qui n'est jamais venue aux Grosses Têtes, oui. Qui apparemment les apprécie, puisqu'elle a accepté de leur poser une question. Au XVIIe siècle, certaines personnes n'étaient pas autorisées à consommer les asperges et les artichauts. De qui s'agissait-il? Pas de Suzanne Flon, puisque c'est elle qui pose la question. Voilà, vous l'avez reconnue, je vous la laissais identifier. Des religieuses, des gens de l'église. Non. Parce qu'il fallait sucer quand même le machin, l'asperge quand même un peu. Pas la peine de faire le geste, hein, on est à la radio. Traiter l'éponge par cette espèce de nain lubrique, ça va pas, non? Mais ce sont des gens qui avaient une maladie particulière? Non, pas du tout, non, mais c'était la morale de l'époque. Sucer une asperge avait quand même un certain rapport avec ce qu'on imagine. Avait une connotation sexuelle, et l'artichaut passait pour être aphrodisiaque. Et les jeunes filles? Ah, les jeunes les filles, jeunes de... filles ah, vierges. Ah, jeunes filles vierges ne mangeaient pas d'asperges et ne mangeaient pas d'artichaut. Voilà. Bonne réponse de l'amiral. Mais pourquoi précisez-vous des jeunes filles vierges? Une jeune fille est forcément vierge. C'est vrai, mais vous connaissez la formule de Carlos, des jeunes filles de qualité, et on sait bien qu'avec lui, elles sont pas longtemps vierges, les jeunes filles de qualité. Question de Madame Corberan. Pour quelle raison Roland Garros, qui fut le héros de la Première Guerre mondiale, n'a-t-il jamais vu ses exploits reconnus officiellement? C'est-à-dire la traversée de la Méditerranée, choses comme ça? Oui. Même pas à titre posthume? Non. Alors, on a reconnu ses actes de bravoure. Oui. Il a fait partie des As. Oui, bien sûr. À partir d'un certain nombre d'avions ennemis abattus. Mais il y a toujours eu une gêne de la part des pouvoirs publics. Il était monégasque? Non. Il n'était pas français? Oh, non. Il n'avait pas son permis? Il n'avait pas son brevet de pilote. Permis de pilote, c'est ça. Ouais. Bonne réponse d'Amanda Lear. Bravo. D'ailleurs, on en parle aujourd'hui, mais qui dit qu'il avait une raquette en plus? C'est un bobo de chasse. Ma chatte est pleine de plombs de chasse. C'est vrai? Non. Elle se fait tirer la nuit, peut-être? Je sais pas, oui, elle est sortie, elle m'est rentrée l'autre jour, la chatte pleine de... Mais on va où, là? Attends. Je parle de mes petits animaux. Qu'est-ce que vient faire la chatte avec Roland Garros? Non, mais je pensais au permis de chasse, on parlait de permis, donc... Permis de brevet. C'était un peu vite, là. Oui, ma chatte s'est fait tirer du plomb de chasse et elle est pleine de... Non, parce que Roland Garros avait participé à la mise au point du tir des mitrailleuses d'avion à travers les hélices. Hein. Bon, oui. Le premier combat aérien, c'est quasiment ça. Et maintenant, c'est une question que pose un des grands amis des Grosses Têtes, et nous sommes fiers de cette amitié et de l'intérêt qu'il nous porte, c'est Peter Ustinov. Quel est le nom de faire valoir d'Hercule Poirot, le héros des Romains d'Agatha Christie? Son secrétaire, c'est ça son... Oui. Il n'a pas de secrétaire. C'est Sherlock Holmes qui en a... Herlock Sholmès. Non. C'est le Watson, en quelque sorte. Oui, c'est pas Herlock Sholmès, c'est pas... Non, d'Hercule Poirot. On le voit d'ailleurs souvent dans les films avec Ustinov, qui a très bien joué Hercule Poirot. Mais tu le vois, toi? C'est un peu sinistre. C'est dans les films, alors. Oui, dans les films. Mais attendez bien, dans Mort sur le Nil, il est tout seul tout le temps. Non. On le voit, Pierre a raison, ferme ta gueule. Donne la réponse, malin. Petit bonhomme en noir, les cheveux plaqués. Les cheveux très gominés, toujours derrière comme une ombre. Hein, Pierre? Oui, il va nous trouver ça, mon Pierre. Oui, mon chéri. Cherche, mon gros. On va le laisser chercher, alors. Mais il a un nom? Il porte un nom de bataille. Waterloo. Non. Trafalgar. Ça commence par un H. Hastings. Bonne réponse collégiale. Vous voyez, quand on vous aide un peu, vous êtes très brillant. Pour une fois qu'on a foutu la pâte aux Anglais, quand même, non? Tout bien. Ça, c'est les Normands qui ont fait ça, pas les Bretons. Qu'est-ce qu'il vient chercher chez les Bretons, là, l'autre nain? Hein, mon Pierrot ? C'est Guillaume, j'y peux rien, mon petit père. Ça. C'est l'histoire, si tu veux. Il avait certainement des mercenaires bretons avec lui. Des mercenaires, allez. Non, attends. Tu veux que je te dise, Pierre ? Il a recruté autour, c'est normal. Tu veux que je te dise quelque chose, Pierre ? Oui, mon cher. T'as raison. Foiré. Philippe Bouvard sur RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Well. Que mange Charlie Chaplin affamé dans la rue et vers ses chaussures. L'or. Ses lacets. Ses lacets et les clous de ses chaussures et de ses semelles. Les clous, les suces comme des os. Les lacets, il en fait des spaghettis parce qu'il les ramasse avec la fourchette. Voilà, mais c'est une bonne question des cinéphiles associés. Enfin, une bonne réponse. Bonne réponse. C'est une bonne réponse des cinéphiles associés. C'était pas très difficile. Non. Hein. C'est juste après la danse des petits pains. Mmh. C'est un des grands moments de ce film. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres moments moins intéressants. Je le dis, moi, personnellement, La rue Berleur n'est pas mon film préféré de Chaplin. Ouais. Question de M. Gautreau. Qu'était autrefois le branle à bord des navires? C'est la prévenir d'appareiller, quoi. Avant d'être un commandement, qu'était c'était le branle? C'était une danse de marin. Non. C'est une gâterie. Ah, je vois très bien la gâterie ne collective pas avec dans un vaisseau trois ponts avec 1200 hommes. Allez hop, le branle, donc pour elle, c'est une énorme... Elle est cinglée, l'autre salope, là. Non, mais avec sa chatte qui a pris des plombs et tout. Vous pouvez pas m'emmener ça chez le vétérinaire, là. Avant d'être le branle-bas, c'est ça. Avant, et le fait de dire branle-bas, à l'origine, ça signifiait... Ben, ils sont dans des hamacs, et ils descendaient du hamac. Et le branle, voilà. C'était le hamac. Le branle, c'était le hamac. Voilà. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Qui finalement, quand on remue un peu dedans, a un mouvement qui ressemble assez à ce dont parlait Amanda il y a un instant, tu vois pas? Non. Vous pensez qu'on peut faire ça dans un hamac? On peut faire ça partout, mon bébé. C'est une expérience intéressante. Debout. À l'arrière d'une voiture comme la tienne. Tout est faisable. Question de M. Sénac de Chantilly. Pour les besoins de quel film un cinéaste se fit-il présenter plus de 600 animaux? L'ours. L'Ange de Noé. Non. Le Déluge. Non. Pour le générique de la métro Goldwyn-Mayer. 600 animaux différents. Non, de la même espèce. Il a fait un casting, quoi. C'est un film français ou un film... Film français. Ah, bon. C'est pas l'ours. C'est pas un porno danois où il y a une porcherie où il y a 1000 porcs et tu choisis ça au hasard pour sauter un truc blondasse et tout. La chèvre de François 1er pour lécher les pieds de Fernandel. C'est un chien qui a été comme ça essayé. La jument verte. Non, c'est pas un chien. Non. C'est pas Alexandre le Bienheureux parce qu'il y a un chat. C'est un chat. Non. La traversée de Paris où il y a une vache avec... La vache et le prisonnier. Alors, elle s'appelait... Marguerite, exactement. C'est pour le rôle de Marguerite. Oui, vous l'aviez dit, mais vous n'avez pas été plus loin. La vache est le prisonnier. La vache est le prisonnier. Ah oui, pas la vache, c'est pareil. Voilà. Vous savez que c'est ici, sur cette antenne, c'est très émouvant de raconter ça quand même aujourd'hui. Oui, c'est à l'occasion d'avoir un Kleenex, si vous voulez, ça va être très émouvant. Passer, hein, oui. Mais c'est ici que cette histoire a été racontée pour la première fois. Car en fait, c'est une histoire qui est arrivée à un copain d'Étienne Bierry, célèbre comédien. Et nous l'avions raconté avec Antoine dans les histoires vraies de Radio Luxembourg. Qu'est-ce que c'est émouvant, la vache. C'est une vraie histoire. C'est pas du tout une histoire inventée. T'entends ça, si tu pleures pas, c'est que t'as pas de cœur. Putain, c'est émouvant. Non, mais c'est une idée fabuleuse, la vache de prisonnier. C'est fabuleusement c'est émouvant. Une idée de prisonnier. C'est une vache de bonne idée. C'est vachement émouvant, putain. Laisse-le, Valérie. J'ai chialé, j'aurais dû venir en ciré. Retourne à ton rap. Putain, il est émouvant, hein. Ça vous fait pas pleurer, vous, Fifi? Vous avez pas de cœur. Tu te rends compte, 20 ans après, dans le même studio, il nous la raconte, l'histoire de la vache. Tu sais, Pierre, je te regarde souvent. Oui, mon chéri. Avec intérêt, avec amitié, mais tu vois, avec émotion comme maintenant, jamais. Est-ce qu'il arrive qu'après l'avoir vu à la télé, vous achetiez des objets? Oh, ça, ils veulent mettre sur ce sujet. Oh, quelle horreur. Ouais. Donc, quelle horreur. Mon chien fait le numéro, on téléphone. Puis on demande si on peut payer en roupies, en zloty, tout ça. On la rend folle, la gonzesse. Puis en général, on lui conseille de se mettre l'objet dans le pot. Il y a très peu de ce genre de choses. Il n'y a pas de plaisantin ? Si, bien sûr. Si, non, sûr. Très peu, c'est des tellement beaux objets. Le cric que vous mettez sur le cul de la bagnole pour gonfler la voiture, le machin. Non, ce sont essentiellement des enfants qui nous qui vous coupent les ongles en même temps. Et il est un grand enfant. Ouais. Généralement, c'est la moyenne, c'est 8-12 ans d'âge mental. Il vend des bijoux. Et il les rejoint souvent avec son chien, c'est vrai que là. Mais moi, je vous adore, Pierre. Je sais. Et j'adore que vous fassiez ça. Ça me réconcilie avec la nature humaine. Un mec qui a une impudeur à ce point de vendre des saloperies pareilles sans rire, faut quand même avoir une nature d'un culot monstre. Je me laisse injurier comme ça régulièrement. C'est pas une injure, Pierre, c'est une réalité. C'est effrayant, c'est ça. Oui. Je dis le culot de ce mec, mais si vous aviez fait de la résistance, les Allemands, ils seraient même jamais venus chez nous. Le mec, il serait mis à la frontière, il aurait expliqué qu'il faut rester en Allemagne à bouffer des cartophones, il l'aurait cru. On mettait un écran à la frontière. Mais vous savez que vous n'avez pas tort, car c'est un pays où justement, curieusement, alors que c'est le premier bassin de télévision, comme l'on dit, européen, eh bien, le téléachat ne marche quasiment pas en Allemagne. Bah, je verrais très bien, Pierre, avec un casque à pointe sur la télé allemande, il va leur expliquer, ils achètent. Et j'admire ça chez vous. En plus, quand c'est l'homme fin, raffiné, distingué que vous êtes, vendre des saloperies pareilles sans rire, mais attends, le flegme de ce mec.